But à la 90e minute. Ok, c'est bon, on la prend. Pas de problème. Volkswagen, à l'épreuve des supporters. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 €, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes ce week-end. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. La reprise de l'info, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Bon, le fameux doudou perdu par la fille de 4 dans l'aéroport, c'est une peluche ou une poupée? Une peluche. Ben voilà, vous nous avez appelé au 3210 et vous avez gagné des places pour aller découvrir le film à partir du 20 juin dans toutes les salles de cinéma. Merci à toute l'équipe et bienvenue à Julien Courbet. Eh ben bienvenue à Julien Courbet qui est au taquet avec cette Coupe du Monde là. Ça y est, on y est là maintenant, moi Yves. Vous êtes dans les réservistes aussi, vous pouvez être appelé à n'importe quel moment. C'est vrai ça? Mais oui. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Hein. Ouais, pour Mbappé, quand même Mbappé s'est blessé, on s'est dit, tu vas voir, il va appeler Calvi. Ah oui. Bon, heureusement, dans un éclair de génie, il ne l'a pas fait, mais... Il pourrait vous appeler à n'importe quel moment. Et vous aussi, vous occupez une place dans l'équipe en tant que remplaçant? Bien sûr, moi je suis là, je suis le masseur moi, de l'équipe. Je masse les femmes des joueurs pendant que eux s'entraînent. Ah oui, je vois bien sûr. Ils n'ont vraiment rien à faire. Bon, bah, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée. Bon massage et merci. À demain. Merci, c'est parti. Je vais me faire la main sur vous, Maître Pelloneau d'ailleurs. Voici l'émission du jour. Il n'est pas question de jardinage, bien qu'elle s'appelle Sabine. Je vous l'appelle des Bouches-du-Rhône parce que mon fils a acheté une voiture à un professionnel en septembre 2017. Il avait payé 4 300 €. Depuis, il a découvert que 300 000 km avaient été effacés sur le compteur entre avril 2017 et mai 2017. Il y aura le cas de René sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Je suis un propriétaire avec un appartement et deux locaux commerciaux. Ces biens sont gérés par une agence immobilière qui me doit actuellement 3 429 € de loyer. Écoutez également le cas de Saïd. J'ai fait appel à une entreprise pour changer les 10 fenêtres de ma maison. J'ai payé 7 200 €. Plusieurs fenêtres ne sont pas étanches. Les finitions laissent à désirer. J'ai même une fenêtre dont le châssis est cassé. Et ça, c'est pas unique. Nous allons donc maintenant les aider. Voici l'équipe qui va s'occuper de tout ceci. Il y a le druide, l'avocat numéro 1 en ce qui concerne la voiture. Maître Decaumont est là. Bonjour à toutes et à la tous. La divina Maître Fellonneau. Bonjour Julien. Double négociation, Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Bonjour Julien. Céline est au standard. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France sur RTL. Merci de votre fidélité. Bonne journée à vous tous. Bien sûr, pour nous joindre et pour passer en direct dans l'émission, c'est le 3210 ou bien le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer, faut appeler Julien Courbet. Et nous attaquons avec le cas de Sabine, il est 9h33, nous sommes en direct sur RTL. Sabine, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Sabine? J'appelle de Salon, allez, de Provence. C'est parti Sabine, écoutez tous les auditeurs d'RTL, ça mes aventures. Donc déjà j'appelle de la part de mon fils qui est en études et donc ne pouvait pas être libre ce matin pour en parler. Son problème c'est qu'il a acheté une voiture en septembre 2017. C'était sa première voiture, il a une vingtaine d'années, il avait besoin d'une voiture pour travailler, il est allé chez donc ce professionnel et il a payé 4 300 € pour une voiture diesel qui affichait 158 000 km au compteur. Après, il y a eu une succession de pannes qui a fait qu'il a très peu utilisé sa voiture, à peine 2000 km. Actuellement, la voiture est encore immobilisée et on a découvert qu'il y avait en réalité 457 000 km au compteur. Alors, un petit changement de compteur, effectivement, de toute façon, c'est très grave, même si on le change de 20 km, Maître Decaumont. Mais par contre, voilà, j'ai un moteur à 100 000, je m'aperçois qu'il en a 150 000, ça ne change pas complètement la vie du moteur. Mais quand on passe là de, on était à combien, 161 000 à 454 000, dans, ce n'est dans, plus... Dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. Ce n'est plus du tout la même histoire. Ah bah oui, non. Déjà, c'était une tromperie au départ sur les qualités substantielles de la chose et c'est du pénal, Julien. On le rappelle, du pénal. Mais alors, quand on divise le kilomètre par 3... Là, franchement, c'est de la. J'allais dire, c'est de l'escroquerie en bande organisée, vous voyez. Alors, on rappelle également, Maître de Caumont, c'est important que celui qui lui a vendu n'est pas forcément celui qui a fait tomber le compteur. Donc, ce n'est pas lui qui serait en première ligne si on allait au pédale. Vous avez tout à fait raison, on le rappelle, Julien. Autant le vice caché pèse sur le dernier vendeur, quitte pour lui à se retourner contre son propre vendeur. Et pour le compteur, c'est une infraction pénale personnelle. Mais, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui a fait tomber le compteur. Alors ça, c'est pour le pénal. Mais on rappelle que malgré tout, même si ce n'est pas lui qui a fait tomber le compteur, le garagiste en tant que professionnel doit être au courant qu'elle a 451 000 km. Il est présumé tout savoir de la voiture et bien entendu un kilométrage. Surtout, Julien, il pourrait même pas invoquer le fait qu'il n'est pas suffisamment compétent, ce qui est embêtant pour un professionnel, mais un kilométrage trois fois inférieur à la réalité, n'importe quel apprenti dans un garage sait repérer ça. Alors JB, vous avez enquêté là-dessus, nous allons appeler dans une seconde. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Oui, Julien, alors Sabine et son fils ont cherché à savoir à quel moment le compteur aurait pu être trafiqué, et surtout qui aurait pu le trafiquer, comme on l'a dit. En demandant l'historique du véhicule, ils ont pu mettre la main sur deux PV de contrôle technique. L'un date du 20 avril 2017 et l'autre du 30 mai 2017. Sur le premier du 20 avril, il est dit que le compteur affiche 454 753 km, et sur le deuxième du 30 mai, donc 157 800 187 km. En combien de jours ? En un mois à peine. D'accord. Donc à cette période, il est important de noter que le vendeur du fils de Sabine n'avait pas encore le véhicule en sa possession, puisqu'il l'a récupéré simplement le 21 juin. Comme vous le disiez, il y a d'autres personnes, il y avait un autre mandataire notamment avant, qui a fermé entre-temps, manque de chance. Mais il y a aussi une société de vente aux enchères. Ce qui est assez troublant, c'est que c'est à ce moment-là que le compteur aurait pu changer. Alors nous allons nous en occuper dans quelques instants. Nous allons appeler. Inutile de vous dire que c'est un cas très grave. Je rappelle que c'est du pénal. Faire passer une voiture de 450 000 km à 161 000. Nous, l'objectif, c'est d'appeler le vendeur, de lui expliquer qu'il n'était peut-être pas au courant que le compteur était tombé, mais que la loi exige qu'il rembourse dans ces cas-là ce que veut, bien sûr, le fils de Sabine. Et alors, et moi, il me semble que j'ai souvent attentivement écouté Eric de qui nous disait que quand même 300 000 km au compteur, ça ne se voit pas que sur le compteur, mais également sur l'état du véhicule. Donc il n'a aucune excuse, à mon avis, ce vendeur, pour ne pas s'être aperçu de l'âge de la voiture. Est-il vendeur de voiture ou magicien ? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser, car il me semble l'avoir déjà vu dans un cabaret. Je vais maintenant avec mon assistante Clarita, fais-le non ? Si. Veuillez apporter les moteurs. Le grand arca va maintenant se pencher sur ce moteur qui, comme vous le voyez, messieurs, fait 461 000 km. En quelques instants, quand l'arca va recouvrir le drap et le soulever, il n'y aura plus que 161 000 km. Attention. Le travail sans outils, sans rien. Hey, 161 000 km. Eh bien, voilà qui ferait des cartons au moment où on veut relancer le spectacle vivant. Des trafiqueurs de compteurs comme ça. Alors, on ne dit pas que c'est le cas de ce monsieur, je le redis. Lui, il a vendu la voiture. Sabine, on a tout dit, on va appeler dans une seconde ? Oui, tout à fait, oui, tout est dit. Un petit verre d'eau là, Sabine. J'ai l'impression qu'il y a un petit chat dans la gorge. Mais j'ai appelé le magicien. Ah, c'est pour ça, c'est parfait. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Alors si vous aussi, à maintenant, vous avez un compteur qui a été trafiqué, ou si vous êtes tombé sur la mauvaise voiture, vous savez, on vous a vendu une voiture, c'était pas du tout celle qui était prévue au départ. Des trucs dans ce style, c'est RTL qu'il faut appeler. Grande délice. Partagez toutes les émotions du foot avec Géant Casino. Entrez dans le match en écoutant les indices pour trouver votre Géant Casino et le mot de passe correspondant. Le premier à le donner à l'hôtesse RTL qui se trouve sur le parking du Géant remportera 500 euros en carte cadeau. Venez aussi défier Madame Indestructible au tir au but. Le meilleur buteur remportera une Skoda Fabia, oui ! Conditions sur géantcasino.fr. Les prix bas, c'est Géant. Belle matinée sur RTL. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Rendez-vous aux portes ouvertes intersidérales ce week-end dans le réseau Renault. Renault Mégane en LLD est à partir de 169 euros par mois sous condition de reprise. Pour Mégane Life TCE 115 sur 49 mois avec un premier loyer de 1 800 € jusqu'au 30 juin si accordiac. Voir Renault.fr. French Touch touche française. Kia Bi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est d'acheter de plus en plus et de dépenser de moins en moins. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kia Bi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour 2 articles, profitez de moins 20%. 3 articles, moins 30. 4 articles, moins 40. Et 5 articles, moins 50%. Kia Bi, le bonheur vous va si bien. Du 13 au 26 juin, sur articles signalés. Conditions, magasin et kiabi.com. Les copains qui débarquent. Les bâtonnets de mozzarella qui croustillent. Les mini cheeseburgers. Je ne sais pas vous, mais moi l'apéro, c'est le moment que je préfère. Jusqu'au 1er juillet chez Picard, le troisième produit est offert avec la carte Picard et moi sur une sélection de produits apéritifs. Picard, chaque jour un goût nouveau. Voir conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah au fait chérie, t'as pensé à prendre ton maillot ? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil ? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 € d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Vous voyez le type qui rigole avec des gens là, sur l'aire d'autoroute ? C'est Vincent. Il est comme ça, Vincent, il aime les gens. Alors quand il a vu que Vinci Autoroute encourageait le covoiturage avec Blablacar, il a pris l'abonnement télépéage, temps libre, covoiturage, Vinci Autoroute. Depuis, il ne voyage plus jamais seul, Vincent. Et non seulement il passe du bon temps sur la route, mais en plus, son abonnement télépéage ne lui coûte rien quand il covoiture avec Blablacar. Il a tout compris, Vincent. Il réduit les frais et il multiplie les amis. Vinci Autoroute, roulons autrement. Offre soumise à condition. Disponible sur vinciautoroute.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous allons pour Sabine et pour son fils qui a acheté une voiture, rappelons-nous, dans des conditions un peu particulières. Une voiture au compteur magique, 20 avril 2017, 450 000 km au compteur, un mois plus tard, 150 000. S'il vous plaît, lancez l'appel auprès du vendeur qui, je vous le rappelle, n'est pas accusé. D'ailleurs, on n'accuse personne. Nous, on essaie de discuter d'avoir trafiqué le compteur, mais en tant que professionnel, c'est à lui de rembourser maintenant, de trouver une solution, quitte à se retourner après vers celui à qui il l'a acheté et qui ne lui aurait pas dit. Allô, bonjour, monsieur. Benoît Dard. Oui. Bonjour Monsieur Benoît Dard, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL, nous sommes en direct au moment où je vous parle. Monsieur Benoît Dard, je suis en ligne également avec Sabine qui est la maman de Damien Salmon le gagneur, qui vous a acheté une voiture qui malheureusement affiche 157 000 km alors qu'elle en a 454 753. Le compteur aurait été... trafiqué et baissé de plus de 300 000 km. Alors, vous n'y êtes peut-être pour rien, parce que vous l'avez peut-être acheté à quelqu'un qui l'avait trafiqué, mais du coup, lui ne veut pas de cette voiture, puisqu'il a payé pour une voiture de 157 ou 161, qui en a en fait 454. Alors déjà, est-ce que madame nous a dit des bêtises ou pas ? Déjà, son fils m'a appelé la semaine dernière. Oui. Donc, on est en train de chercher une solution. Après, est-ce que vous avez dit des bêtises ou pas ? J'en sais rien, mais... Moi, je l'ai acheté avec un certain kilométrage. Alors, est-ce en que... plus, on l'a acheté aux enchères avec un huissier de justice. Bon, alors... Qui a fait un contrôle juste avant le nôtre. D'accord. D'accord, nous, on a refait un contrôle derrière et nos contrôles, ils se suivent. Hein. C'est nickel. Hein. Ah, mais donc, monsieur... il n'y a pas de souci. Après, ils ont refait un contrôle derrière et moi, je pense que c'est une faute de frappe. Voilà, au lieu de mettre un 1, ils ont mis un 4, tout simplement. Hein. Après, moi, je veux bien les croire, pas de problème. Le jeune, il m'a appelé. De toute façon, monsieur... On trouve une solution. Hein. Lui, ce qu'il veut, la solution, elle est toute bête. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il veut le remboursement de cette voiture parce qu'il a appris... Ce sera pas possible. Alors, ça, monsieur, ça sera pas possible. Mais malheureusement, monsieur Benoît Dard, vous avez quand même vendu Mondial Auto une voiture qui avait 454 000 km alors qu'elle en a que 161 au compteur. Donc, il va y avoir une enquête pénale. Moi, je vais rappeler tout le monde. Hein, je vais... enfin, aujourd'hui, vous dites donc à tous ceux qui nous écoutent à Salon de Provence que quand on vient chez vous... on peut se retrouver avec une voiture qui a 454 000 km ? Alors que vous la vendez à 161 000 ? Merci de me faire de la pub, j'ai dit. Mais monsieur, je ne vous fais pas de la pub, je dis une réalité. C'est pas, est-ce que c'est vrai ou non, monsieur ? Je ne suis pas dans le moteur, je ne suis pas dans la voiture, non, c'est pas vrai. On est bien d'accord qu'en tant que garagiste, quand quelqu'un vient chez vous, vous lui dites « moi je ne suis pas dans le moteur, j'achète au petit bonheur la chance ». Bah oui, d'accord. Alors maître de Comont vous rappelle la loi. Oui, un principe, bonjour monsieur, c'est qu'effectivement... si vous êtes un professionnel de l'automobile, ce que tout laisse penser, vous êtes présumé tout savoir du véhicule que vous vendez. C'est-à-dire que je comprends très bien que vous ne soyez pas dans le moteur, c'est d'ailleurs pas une situation très confortable, mais vous êtes tenu de savoir, en tout cas, l'essentiel de cette voiture. Et bien évidemment, si elle a un kilométrage trois fois supérieur à ce qui est annoncé par vous, pour la vendre. Sachant, vous disiez tout à l'heure, j'écoutais avec intérêt, que c'était peut-être une faute de frappe qu'il y avait sur le deuxième contrôle technique qui passait... Le troisième contrôle technique. Celui qui passe de 157 887 à 454 753, que peut-être le 1 avait été remplacé par le 4. Mais même dans ce cas-là, vous voyez, ça pose un petit problème parce que dans ce cas-là, elle serait tombée de 157 à 154. Donc il faudrait au moins deux erreurs sur deux chiffres différents pour que ça puisse avoir un minimum de cohérence. Donc Monsieur je crains qu'il y ait un autre problème. Monsieur Benouada. Non, il n'y a pas d'autre problème. Nous, on l'a récupéré, on l'a roulé avec la voiture. Hmm. Après quoi, on récupère, on ne roule pas. Après, donc, moi, comme j'ai dit au monsieur quand il m'a appelé la semaine dernière, voilà, nous, la voiture, on l'a, c'est les enchères, c'est un huissier de justice qui me l'a vendue. Donc je ne vois pas où est le problème. Alors, on va appeler l'huissier de justice, monsieur. À qui l'avez-vous acheté cette voiture? Voilà. À qui l'avez-vous acheté, monsieur? Monsieur Benouada, à qui avez-vous acheté cette voiture, s'il vous plaît? Acheté à Tabuting. Alors, on va noter tout ça, on va appeler tous les gens, on va appeler l'huissier, on va appeler également, on va essayer de remonter pour essayer de savoir. Mais aujourd'hui, monsieur, bon, pour l'instant, j'écoute et vous n'avez, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. Vous faites absolument ce que vous voulez. Sabine va, par le biais de demanderjustice.com, puisqu'on est à moins de 4000 euros. Elle était à combien la voiture exactement, le prix d'achat, Sabine? 4300 euros. Voilà, on va considérer qu'elle était à 4000. Demandezjustice.com va assigner notre ami de Mondial Auto à Salon de Provence. Et puis après, lui, devant le juge, c'est le juge qui décidera. Maintenant, nous, on va remonter et faire l'enquête pour savoir à quel moment cette voiture a eu un compteur trafiqué, sachant qu'elle est arrivée chez Mondial Auto à Salon de Provence. Vous n'avez pas de locaux d'ailleurs, hein, je crois que c'est une domiciliation rue de Madrid, hein, c'est ça, monsieur? Allô? Bon, que son fils me rappelle, j'ai pas le temps, là, je suis au boulot. Bon, alors on continue, nous, monsieur, voilà, moi je vous donne la possibilité de vous exprimer, mais faites que... D'accord, ça marche. Non, mais c'est pas une excuse, moi je vais me donner rien du tout, on là. On essaie de rappeler maintenant celui qui a vendu la voiture à Salon de Provence, à Loiry Benouada, pour essayer de savoir. Alors on y va, vous avez, qu'est-ce qu'on a comme numéro, JB, c'est de nous refaire, voilà, il vient de raccrocher ce monsieur, mais c'est tout à fait normal. Mais il a raison, enfin je veux dire, il a le droit de dire je ne ferai rien, mais après c'est la justice qui décidera. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, si elle ne demandait par exemple que 4000, est-ce qu'on peut se dire, bah, je veux que 4000 pour aller plus vite, aller au tribunal de proximité ou pas? Oh, il pourrait considérer qu'il l'a utilisé pendant deux mois, alors effectivement. Mais c'est, de toute façon, maintenant, c'est le tribunal d'instance. D'accord. Quand c'est moins de 10 000. D'accord, basta. Voilà, ça va encore plus vite. Donc ça, il va falloir le faire, Sabine. Mais d'ici là, on va remonter, on va faire une petite enquête et il y a plein de gens qui vont peut-être pouvoir nous aider à la faire. Donc, quelles sont les adresses et les gens que l'on a appelés? Alors, Julien, on a le numéro de la société de vente aux enchères, justement. Donc on a ses coordonnées, on peut l'appeler dès maintenant, si vous voulez. La... Oui, on va le faire dans quelques instants. Voilà, on a également... Je vais être honnête avec vous, j'ai envie de me faire un petit café. On va pas se mentir, je préfère dire aux gens les choses tout à fait honnêtement. Ouais. Et en plus, il y a un écran publicitaire. Mais je vois JB et je me reconnais là, il y a 20 ans, quand je démarrais dans la radio, j'avais envie d'appeler tout le monde. Et vous verrez qu'avec le temps, après on se dit, on va appeler, on va d'abord aller se faire un petit café. Tout va bien, ça ne presse pas à ce point. Mais vous verrez, ça c'est l'âge, profitez de cette fougue que vous avez. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Et puis après, vous aurez l'âge de maître de Como. Là, vous n'appellerez plus personne. Ça sera encore mieux. Ça, c'est vraiment le pied. Mais il faut attendre. C'est encore dans très longtemps pour vous. Vous êtes sur RTL, mesdames et messieurs. Je suis ravi d'être avec vous. Nous faisons tout pour vous aider. Vous écoutez le 9h30, 11h. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Eh oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation de numéro. Et si on parlait Renault Service? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok.

J'ai dit, j'ai dû trop écouter la chanson. Sabine est en ligne avec nous. Sabine veut que l'on règle le problème de son fils. On rappelle qu'elle nous a dit ceci, Sabine, parce que là, il y a eu un petit tour de passe-passe avec le compteur. Je vous appelle des Bouches-du-Rhône, parce que mon fils a acheté une voiture à un professionnel en septembre 2017. Il avait payé 4 300 euros. Depuis, il a découvert que 300 000 km avaient été effacés sur le compteur entre avril 2017 et mai 2017. Nous avons appelé le vendeur Lawari Benouada de Mondial Auto à Salon de Provence qui nous dit oui, effectivement, il y a un souci. On essaie de trouver une solution, sachant que Sabine, il n'y a pas de solution. La solution, c'est pour elle, remboursement. Maintenant, effectivement, peut-être qu'elle peut convenir, à moins qu'il ait racheté une autre voiture depuis, elle peut convenir à un échange avec une autre voiture. Mais lui, il a dit je ne rembourserai pas. Maître de Caumont nous a expliqué que de toute façon, malheureusement, ça ne ferait pas un pli. Enfin, devant la justice, ça sera très compliqué d'expliquer à un juge je suis professionnel, je vends des voitures que j'annonce à 100 000 alors qu'elles en ont 400 000, même s'il n'y est pour rien. Malheureusement, c'est sa responsabilité professionnelle. Alors maintenant, essayons de vivre l'enquête en direct. Cette voiture a donc été vendue, mon cher JB, par... Alors, cette voiture a été vendue donc par ce monsieur qu'on a eu tout à l'heure en ligne. Et il l'a racheté directement à une société de vente aux enchères qui s'appelle on va vous le dire tout à l'heure qu'on va les appeler, mais on ne va pas les dire tout de suite. Auparavant, cette voiture aussi était entre les mains d'autres professionnels, notamment un ambulancier. Et ce qui est intéressant, et ça contredit ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, comme quoi il y avait une faute de frappe, en fait, ce monsieur nous avait dit à l'auditrice en off que la voiture avait bien roulé 300 000, 400 000 km. Il est ambulancier, il fait beaucoup de kilomètres et en 6 ans... Une ambulance, ça roule pas mal, hein, franchement. Ouais. Nous appelons donc cette société pour essayer d'en savoir plus. Oh là là, c'est fatigant, hein. Allô ? Oui, bonjour. Oh, bah, je sais que c'est fatigant, madame, mais on travaille. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. C'était à moi que vous vous adressiez en disant c'est fatigant ou... Oui, parce que depuis tout à l'heure, on me téléphone. Ah, mais c'est pas moi. J'entends de la radio, je savais pas quoi, dites-moi. D'accord, alors je vous explique, madame. Je suis donc Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL où nous avons une dame qui a acheté une voiture chez Mondial Auto, Lawari Benouada, et cette auto lui a été vendue avec au compteur 157 000 km, alors qu'en réalité, apparemment, elle en aurait 454 000. Nous avons donc appelé ce monsieur Lawari Benouada qui nous a dit « Moi, ce n'est pas moi qui ai touché au compteur ». Donc on remonte la chaîne et on apprend que c'est à vous qu'il a acheté la voiture chez Tabutin Enchères. Oui. Donc on voulait savoir si vous connaissiez l'historique de cette voiture et à quel moment le compteur est passé de 400 ou 500 à 100. Alors là, je ne peux pas vous dire. Alors franchement... Est-ce que monsieur Hervé Tabutin est là ? Non, monsieur Tabutin n'est pas là, il est en entretien à l'extérieur, mais je peux vous passer. Nous, si on a vendu un véhicule, ce que je peux vous dire, avec un compteur affiché, c'est que c'était le compteur qu'on avait sur les documents. Alors, maintenant, j'ai peur de vous dire des bêtises, parce que moi, je ne suis pas trop... Bah passez-moi la personne qui n'en dit pas, mais surtout, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, essayer de me trouver le nom de celui à qui vous avez vous-même, acheté la voiture ? Ça, on pourra vous le dire, mais le pôle véhicule est sur Vitrolles. Bon. Je peux vous donner un numéro de téléphone. D'accord, et vous contacter directement. Génial, je vous passe quelqu'un qui va récupérer. Merci de votre gentillesse, avec madame. Plaisir, pardon de vous avoir dérangé. Non, à bientôt. Non, mais il n'y a pas de grave. Il n'y a pas de souci. Problème. Enfin... Bon, voilà. Eh ben, ça, c'est ce que j'appelle l'accueil à la Marseillaise. C'est chaleureux, c'est convivial, ça se fait avec la bonne humeur et elle a envie d'avancer, cette dame, tant mieux. Donc, nous allons maintenant, il nous faut un petit peu de temps, Sabine, pour avoir les renseignements. Elle a raccroché, malheureusement, elle n'a pas bien compris. Elle n'a pas bien compris. Rappelez-la, mais vous risquez d'avoir encore merde quand elle va décrocher, parce que j'y ai eu le droit moi tout à l'heure. Quel sera le prochain cas, s'il vous plaît ? Ça sera celui de Saïd. Il décide de changer 10 fenêtres de sa maison pour 7 200 euros et rien ne va, il y a des problèmes d'étanchéité. À tout de suite. Allô, bonjour, je cherche une grande berline avec un grand coffre. Bonjour monsieur, je vous propose Fiat Tipo à 9 990 euros. Elle a la clim ? Oui, 9 990 euros avec la clim. Et elle est garantie ? Oui, garantie 3 ans et toujours 9 990 euros. Mais elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve monsieur. Ok, j'arrive. Fiat Tipo est à partir de 9 990 euros bonus EcoFiat déduit. Le bonus EcoFiat, c'est la prime à la conversion sur toute la gamme et dès 7 ans. Offre sous condition de reprise jusqu'au 30 juin sur Tipo Berline 1 litre 4, détails sur fiat.fr, portes ouvertes ce week-end. Fiat. Une question à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Filorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermetés avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Filorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur filorga.com. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eovi-mcd.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, c'est la mozzarella. Mozart, il est où? Mozzarella, c'est la semaine italienne ici chez Lidl. En ce moment, la mozzarella di bufala campana AOP Italiamo est à 4,99€ les 500 grammes. La mozzarella di bufala, 4,99€ chez Lidl, moins de 5€. Ah oui, oui, oui. Oh, il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, patron. Hein. Eux, au moins, ils connaissent la musique. Et toi, tu baisses d'un ton. Ok, ok, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9,98€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Question Jules 222. Est-ce l'homme ou la femme qui doit porter le pantalon? Réponse: ce qui importe à l'homme d'aujourd'hui n'est pas de savoir s'il portera le pantalon, mais de savoir comment il le portera. Venez découvrir la collection été chez Jules. Et en ce moment, 50% sur le deuxième article pour l'achat simultané de 2 chemises, polo ou t-shirt. Remise déduite sur le moins cher des 2, hors premier prix. Voir conditions en magasin et sur jules.com. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio, en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les 3 premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1. Vous savez que ça sera aussi la radio du mondial qui démarre. RTL sera numéro 1 sur le foot, n'en doutez pas. Il y a le foot, mais on n'oublie pas quand même que RTL, out, 10h01. Nous retrouvons maintenant Anne Le Hénaff pour l'information. Bonjour Anne. Bonjour Julien, bonjour à tous. Avec ce cold case vieux de 30 ans qui est relancé ce matin, les parents d'une petite fille qui avait été retrouvée morte en août 87 le long de l'autoroute A10 ont été placés en garde à vue à Orléans. Le corps de l'enfant avait été découvert atrocement mutilé au point qu'il n'était pas identifiable. Les enquêteurs ont recoupé des données de la caisse d'allocation familiale et l'an dernier, un prélèvement ADN a permis de remonter jusqu'à ce couple qui devrait donc être présenté à un juge dans la journée. À Argenteuil, dans le Val-d'Oise, un homme a été abattu en pleine rue la nuit dernière. Les tireurs se sont enfuis en voiture. Cela ressemble à une embuscade, selon les enquêteurs. Nouvelle vidéo de Sophie Pétronin, cette Française otage au Mali depuis fin 2016. C'est une vraie preuve de vie, une bonne nouvelle, selon sa famille, qui appelle le gouvernement à l'action. Vous vous en êtes peut-être rendu compte en faisant vos courses. Les prix à la consommation ont flambé en mai dernier, plus 2% sur un an selon l'INSEE. Les prix des produits alimentaires et des services sont à la hausse, ainsi que ceux de l'énergie. Le début de la Coupe du monde de foot en Russie. Aujourd'hui, premier match à 17h heure de Paris entre la Russie et l'Arabie Saoudite. La France fait son entrée dans la compétition samedi. Et sachez que le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, annonce ce matin qu'il a été remis en liberté. Il a passé un mois en prison pour avoir organisé une manifestation anti-Poutine. La tension est toujours forte entre la France et l'Italie à propos de l'Aquarius. Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio, qui est aussi le chef de file du mouvement 5 étoiles, attend des excuses de la France. L'époque où l'on pouvait penser berner l'Italie est terminée, a-t-il dit tout à l'heure. Emmanuel Macron avait dénoncé avant-hier le cynisme et l'irresponsabilité de l'Italie, qui a refusé d'ouvrir ses ports aux bateaux chargés de migrants repêchés en Méditerranée. L'Aquarius a depuis mis le cap sur l'Espagne. Et puis, à l'instant, Giuseppe Conte, le premier ministre italien, confirme qu'il viendra bien, comme prévu, à Paris en visite officielle. Il a eu Emmanuel Macron au téléphone la nuit dernière, une conversation qualifiée de longue et cordiale par l'entourage. La météo, ça va mieux. 11 départements sont encore en vigilance crue dans le nord-ouest. L'Ille-et-Vilaine, le Calvados, l'Orne, la Sarthe, l'Eure ainsi que l'Eure-et-Loire. Et puis dans le sud-ouest, il s'agit des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Mais dans le ciel, une petite perturbation arrivera par la Manche, mais elle ne laissera tomber que quelques gouttes. Ciel nuageux de la Bretagne au Pas-de-Calais. Un peu chargé aussi dans la journée de l'Île-de-France jusqu'à Champagne-Ardenne. Ailleurs, du soleil. Peut-être quelques averses sur le sud des Alpes et la Corse. Les températures maximales vont de 17 à 20 degrés près de la Manche, 20 à 25 en général ailleurs, jusqu'à 28 degrés sur le sud-est et la Corse. Les courses, quintées en semi-nocturne à Longchamp, les pronostics de Bernard Glace, 5, 7, 4, 10, 14, 13, 12 et 2. Dernière minute, le 2, Gaetano Donizetti. 10h04 sur RTL. Très belle matinée à tous. C'est Julien Courbet qui est là. Oui, j'ai récupéré. Merci, il est beau votre point, votre. J'ai récupéré votre flash. Oui. Et je pourrais vous remplacer. Non, mais si jamais vous êtes malade un jour. Allez-y. Vous vous en êtes peut-être rendu compte en faisant vos courses. Les prix à la consommation ont flambé en mai dernier. Plus 2%, vous vous rendez compte, sur un an, selon l'INSEE. Mais je m'en pas chier. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait mettre un langage un peu plus fleuri. Non, le 11h. Je vous lance des pistes, après à vous de voir ce qui est faisable. Merci. Allez, vous êtes prêtes, on y va. Oh non. Et à chaque fois, je me fais avoir. Anne Le Neuf, mesdames et messieurs, la meilleure journaliste. On la retrouve à 11h tout à l'heure. Nous allons, si vous le voulez bien, maintenant faire le point sur tout ce qui s'est passé depuis 9h30 dans l'émission qui règle vos problèmes en direct. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Charlotte, s'il vous plaît, nous avons démarré par le cas numéro 1, celui de Sabine. Son fils a acheté une voiture 4300 euros. Elle avait 157 000 km, mais il s'est rendu compte que quelques mois avant, le compteur affichait 450 000 km. Nous avons commencé par rappeler celui qui lui a vendu la voiture Mondial Auto Lawari Benoada, qui est à Salon de Provence, qui nous a dit « Ok, il y a un souci, j'essaie de trouver une solution, mais je ne rembourserai pas », ce qui n'arrange pas Sabine, qui elle veut le remboursement. Maintenant, peut-être qu'elle peut aussi nous dire « On va changer d'avis ». Avant d'aller plus loin, nous avons quand même essayé de savoir à quel moment peut-être le compteur aurait pu être touché. JB, qui a enquêté là-dessus, nous dit que la voiture a été achetée par Mondial Auto Lawari Benoada à Salon de Provence. Je répète Salon de Provence à chaque fois parce que des Mondial Auto, j'en connais au moins 500. Elle aurait été achetée à Tabutin Méditerranée Enchères, vente aux enchères. Et nous avons eu cette dame. Alors j'ai eu cette dame, Julien, qui m'a confirmé que logiquement, Madame Bouet, qui est responsable du site de Vitrolles, va évidemment interroger Hervé Tabutin, maître Tabutin, et donc on devrait avoir du nouveau dans la demi-heure, Julien. Il faudrait savoir effectivement qui est venu amener cette voiture aux enchères, puisque c'est un intermédiaire, et est-ce que c'est ce propriétaire-là qui aurait pu faire tomber le compteur. Et nous avons un deuxième cas qui va démarrer dans quelques instants. Mais là, Maître Fellonneau, j'ai oublié peut-être quelque chose. Oui, ce que l'on a appris de déterminant, c'est que le premier propriétaire de la voiture est un ambulancier, ouais, et que lui n'a jamais caché le kilométrage qui était de 454 753 kilomètres, puisque le contrôle automobile en fait état en avril 2017. Bah, peut-être qu'on peut l'appeler. Ah non, mais il ne veut pas parler, veut pas sur parler, l'antenne, c'est ça, JB? Non, voilà. Fait exactement. Alors, hors antenne, il vous a dit quoi? Clairement, c'est important, ça, mesdames et messieurs. Donc, c'est cette société d'ambulance qui a donné à vendre aux enchères sa voiture. Exactement. Alors, antenne, moi, je ne l'ai pas eue, parce qu'il ne m'a pas rappelé, mais notre auditrice Sabine, elle l'a eue. Et apparemment, ce qu'il dit... Demandons à Sabine. Sabine, qu'est-ce que vous a dit? Elle n'est pas là? Alors, Sabine n'est pas là. Malheureusement, nous avons un petit souci avec le standard. Je vois effectivement. Sandy, Sabine peut vous entendre, mais Sabine ne peut pas vous répondre. Bon, alors, on va quand même essayer hors antenne. JB, allez-y. Vous appelez ce monsieur, hors antenne, bien sûr, et vous vous faites confirmer qu'il a donné cette voiture à vendre aux enchères et qu'au compteur, lui, ne s'en cache pas, il y avait 400 000. Parce que ça change beaucoup de choses. On l'appelle tout de suite. Pétrole. Le deuxième cas dans une seconde, Charlotte. Ce sera celui de Saïd. 7 200 euros pour des travaux de menuiserie. Malheureusement, les finitions laissent à désirer. Les fenêtres posées ont des problèmes d'étanchéité. Nous allons nous retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. RTL qui va vivre au rythme des Bleus. Restez sur RTL pour tout savoir sur l'équipe de France. Pour tout savoir sur le mondial. Le plus gros dispositif, c'est RTL et c'est pour ça que c'est la radio numéro 1 également sur le football. Philippe, client Netatmo. Savoir ce que les gens font sur les réseaux sociaux, très peu pour moi. Mais savoir ce qui se passe chez moi quand je n'y suis pas, plutôt deux fois qu'une. Avec mes caméras Netatmo, présence pour l'extérieur et welcome pour l'intérieur, j'ai un œil sur ma maison depuis mon smartphone. Je sais que le voisin est passé arroser mes plantes ou que les enfants sont bien rentrés de l'école. Le cambrioleur? Je l'attends de pied ferme. Comme Philippe, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Belle matinée. sur RTL. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Alors, prêt pour les vacances ? Maillot, ok. Licorne gonflable, ok. Et votre voiture, vous y avez pensé ? Renault vous offre le bilan départ en vacances. Pression des pneus, ok. Amortisseur, ok. Profitez de l'ouverture exceptionnelle ce samedi pour effectuer votre bilan départ en vacances. Il vous est offert. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 juillet 2018. Voir conditions sur Renault.fr. Ça vous dit de profiter des bons coups, Monsieur Bricolage ? Merci, mais j'attends des invités, là. Mais justement, la planche à gaz inventive de feu est à seulement 159 euros. 159 euros ? Ça tombe bien, parce que mes amis, ils ont un bon coup de fourchette. Les bons coups, Monsieur Bricolage, c'est maintenant dans votre magasin. N'attendez pas pour en profiter. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Vous reprendrez bien une coupe de promo dans votre géant. Jusqu'au 24 juin, pour l'achat d'une bouteille de champagne Charles de Cazeneuve Brut Rosé à 29,90€ l'unité, la deuxième bouteille est gratuite. Soit par deux, la bouteille de champagne au prix pétillant de 14,95€ seulement. Les prix bas, c'est... Bouteille de 75 centilitres, hors Corse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les trois premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicules disponibles avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalité en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. Toyota. Nous choisissons la ville et les grands espaces. Nous choisissons le plaisir de conduire et le silence. Nous choisissons une technologie sans contrainte. Nous sommes déjà plus de 11 millions. Et ce n'est qu'un début. Nous choisissons l'hybride. Nous choisissons l'hybride. Vous aussi, rejoignez-nous. De la Citadine au SUV, il y a forcément une Toyota hybride faite pour vous. Et pendant les journées hybrides Toyota, profitez de la prime à l'hybride Toyota jusqu'à 4000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers non cumulable jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Alors, le Mondial démarre et nous avons la chance d'avoir dans l'équipe Alain Hazard, notre rédacteur en chef, qui pendant des années a été journaliste spécialisé dans le foot, dans des grands journaux. Donc, il nous fera chaque jour 30 secondes. Donc déjà, premier match ce soir, de quoi s'agit-il ? Russie contre Arabie Saoudite, c'est le match d'ouverture, le match très important, puisque quand on démarre une Coupe du Monde, il vaut mieux commencer par gagner, évidemment. Mais c'est souvent des 0-0, ces matchs-là. C'est souvent des 1 partout ou des 0-0. Alors qu'est-ce que vous voyez pour ce soir ? Alors moi je vois ce soir un bon gros 0-0. Ah bon ? Eh oui. La Russie chez elle face à l'Arabie Saoudite ? Oui, parce que c'est tendu, parce qu'il y a de la pression, parce que c'est jamais facile. Surtout, il faut éviter de perdre le premier match. Et ces matchs-là en général sont plutôt très fermés. Alors demain matin, rendez-vous donc pour les premiers résultats des prédictions d'Al Hazard. Rappelons que ce mondial est particulier. Car il va y avoir pour la première fois l'arbitrage vidéo. Donc, il y a une action. L'arbitre ne sait pas. Il prend son micro et il dit « Est-ce que vous pouvez regarder, s'il vous plaît, ce qui s'est passé ?» Et là, il y a un camion où il y a quelqu'un qui a plein de vidéos qui dit « Ok, bouge pas, je regarde ce qui s'est passé. Attends, bouge pas, j'ai pas regardé le bon truc. Je me mets sur le foot, excuse-moi. » Et là, après, on aura la décision quelques temps après. Parce que dans le camion, évidemment, au bout d'un moment, ils doivent s'ennuyer, ils doivent amener leur propre DVD, je pense, oui. Je vous rappelle qu'il y a une nouveauté, c'est l'une des premières fois où l'Italie est exempte de la Coupe du Monde. C'est vrai. Elle n'est pas éliminée, elle est exempte de la Coupe du Monde. Non, non, mais c'est dingue. Ça va être une Coupe du Monde sans l'Italie. Bon, on est quoi ? Hervé Pouchol. Vous voulez pas un petit pronostic de ma part ? Non, parce que là, franchement, on s'est déjà assez ridiculisé il y a quelques instants avec le Russie-Arabie Saoudite à 0-0. N'allons pas plus loin. Moi, je pense que si c'est comme les prédictions pour les élections, on va rigoler sur ce que nous dit Alain Hazard qui s'est planté d'année en année. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL si vous le voulez bien. Voici maintenant Kimber Rose. Sorry. I'm back to my old ways. I don't know what happened to this. Maybe it is just me. Maybe it wasn't meant to be. cause it is true. C'est Kimbero sur RTL qui vient de sortir son premier album, Chapter One, qui rencontre déjà un énorme succès. Voici maintenant l'arnaque en temps réel. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. D'après Le Parisien, une retraitée a été victime de l'arnaque au faux accident à Chavy dans les Yvelines. En dépassant un véhicule qui l'a gêné dans une voie de bus, cette dame a entendu un choc. Le conducteur est tout de suite sorti en hurlant et en montrant à la septuagénaire une longue bande de la couleur de sa voiture. Une trace qui aurait été en réalité lui-même réalisée, enfin, elle était elle-même réalisée peu de temps avant quand la voiture de la retraitée était stationnée. En bon acteur, il a ensuite fait semblant d'appeler l'agence qui lui louait prétendument le véhicule. À l'autre bout du fil, un complice a expliqué qu'il faudrait immédiatement payer 1700 euros. Puis un deuxième complice s'est fait passer pour l'assureur de la retraitée en la menaçant de 3800 euros de malus si elle ne s'exécutait pas. Paniquée, la victime n'a pu retirer que 1400 euros. L'homme s'en est contenté à tel point qu'une fois les billets en poche, il est parti en trombe avec le coffre ouvert. Incroyable arnaque. Donc on va rappeler les fondamentaux. Maître Decaumont avec cette règle d'or. La règle d'or sur RTL. Quand j'ai un accident, quel qu'il soit, la première réaction que j'ai, c'est d'appeler une seule personne, mon assureur, et basta. On est d'accord ? On est parfaitement d'accord, vous laissez personne appeler votre assureur à votre place pour prendre les renseignements. Et il est vraisemblable d'ailleurs que votre assureur vous dira « faites immédiatement un constat, ne payez rien sur le champ ». Et ce sont les assurances qui traiteront après, entre elles, les dommages et le remboursement des dommages en fonction des responsabilités qui seront établies et qui d'ailleurs ne pèsent pas forcément sur vous. C'est aussi une raison pour ne pas vous laisser avoir à l'émotion. Et je dirais, soyez d'autant plus attentifs à cette règle que, en toute bonne logique, on est ému. Je veux dire qu'on est troublé quand on a un accident, surtout si on est une personne un peu fragile ou âgée, qu'on n'a pas l'habitude et pour cause d'avoir des accidents, et on est beaucoup plus fragile et beaucoup plus influençable. Donc, refermez-vous sur les fondamentaux. Non, monsieur, bougez pas, j'appelle moi-même mon assurance, je lui demande conseil, et je pense que nous allons faire un constat à l'amiable, et on va en rester là pour aujourd'hui. Et au-delà de ça, on peut aussi taper une voiture, on peut regarder, dire, regardez, il y a une fêlure, et cette fêlure, elle était peut-être là avant, c'est bien un entendu. Expert qui va savoir si la fêlure est... Bah, vous savez, ce qui vient de se passer, habituellement, ça se fait avec les rétroviseurs, c'est un grand classique, puisqu'effectivement, la personne a un rétroviseur abîmé, elle fait exprès de toucher un petit peu votre voiture, et elle vous dit, vous venez de me casser mon rétroviseur, regardez, c'est très clair. Un petit détail amusant. Vous savez pourquoi notre escroc est parti avec le coffre ouvert ? Non, c'est parce que quand le coffre est ouvert et qu'il est en hauteur, on ne peut pas relever le numéro quand il s'en va.

effectivement, parcourt beaucoup de kilomètres. Ils l'ont gardée 6-7 ans. Donc, c'était sûr et certain qu'elle faisait plus de 150 000 kilomètres. Donc, il vous a dit que quand il l'a amenée à la vente aux enchères, il n'y a pas eu d'autres propriétaires entre lui et Tabuta Méditerranée. Si, alors lui m'a donné... Enfin, je ne sais pas. Visiblement, moi, le nom... moi, je pensais que c'était Mondial Auto de Toulon qui avait acheté. Et il m'a dit, moi, je n'ai pas ce nom-là. Eh oui, parce qu'il n'a pas voulu me donner le nom. Mais non, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Nous avons eu Mondial Auto qui nous a bien dit qu'il l'avait acheté à Tabutin Méditerranée. Maintenant, il faut savoir si entre l'ambulancier et Tabutin, il y a eu quelqu'un d'autre. Exactement. C'est dans l'historique. C'est alors, cette dame est en ligne. Malheureusement, Julien n'est plus en ligne, ça a raccroché. Donc, et comme elle appelle en masqué, on n'a pas pu la rappeler. Je vais vous résumer, si vous êtes d'accord, la conversation. D'accord. En deux mots, elle dit qu'eux vendent en moyenne entre 150 et 180 véhicules par vente, qui sont spécialisés avec Maître Tabutin, qui est commissaire-priseur, et que quand il arrive un incident comme cela, ils ne le garantissent pas officiellement, parce que dans leur texte, c'est marqué, donc c'est Maître Fellonneau va nous confirmer. J'ouvre une parenthèse, est-ce que lors de vente aux enchères de voitures, vous qui êtes spécialiste, Maître de Comont, effectivement, on ne garantit jamais le kilométrage? Les garanties sont extrêmement faibles, parce que, en fait, on vous donne un livret avec un certain nombre de caractéristiques, notamment visibles, par exemple, le compteur tel qu'il apparaît, on vous laisse le soin de la voir, vous ne pouvez pas essayer la voiture, et les garanties, effectivement, sont d'autant plus limité que la vente est une vente judiciaire. Elle est là, la dame. Madame Bouet est revenue. Madame Bouet, je vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, oui, où bonjour. En est-on sur cette voiture? Vous, elle venait d'où, cette voiture? Alors, où elle venait, donc là, je vais vous dire, elle ne viendrait pas d'un ambulancier. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure à votre collègue, il faut que Mondial Auto donc, nous envoie un recommandé. Oui. De là, nous, on va faire une RC, on va appeler l'assurance qui va faire toute l'enquête Génial. Nécessaire. Et surtout, c'est que si vraiment il y a un vice, on va dire, malsain, eh ben, ça va passer un petit peu plus loin. Voilà. D'accord, on super. A ce qu'il faut. On fait quand même pas mal de véhicules. J'ai rarement des problèmes comme ça. On va dire, j'en ai traité deux ou trois, on va dire, en deux ans. Mais il suffit de faire un recommandé et on a des assurances pour ça. Alors, il va falloir que Monsieur... Alors, n'est pas professionnel de l'automobile. Bon, nous, en vente aux enchères... Je connais, madame, vous inquiétez pas. Excusez-moi, comme je suis en fin d'émission, je connais très bien tout ça. Rassurez-vous, il n'y a aucune responsabilité. Là, on essaie juste de comprendre. Mais vous, quand votre voiture, elle arrive chez Tabutin Méditerranée, elle a combien au compteur, s'il vous plaît? Eh bien, nous, on a un contrôle technique. Le véhicule a été vendu pour 157 000 et donc, quelques. On est bien d'accord que c'est entre l'ambulancier qui, lui, semble dire, elle a 454 quand je la donne, et vous, qu'il y a eu cette petite manipulation. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, le nom de la personne? Nous, qui on n'a vous... pas d'ambulancier au milieu. J'ai bien compris, madame. C'est pour ça que je suis... Madame, s'il vous plaît, voilà. Je vous en supplie, madame. Laissez-moi juste finir ma phrase, parce que sinon, vous ne comprendrez pas ce que je vais vous dire. Quel est celui qui vous a amené la voiture chez Tabutin? Monsieur, je ne vous le dirai pas, je n'ai pas à vous dire ça. Parce que c'est visiblement lui qui a commis un petit problème. Certainement, certainement. Donc ça, eh bien, il va falloir débroussailler le problème. Et il y a la Mais police. Madame, pourquoi voulez-vous que Laouari Benouada vous envoie une lettre recommandée alors qu'apparemment... C'est lui qui nous a acheté le véhicule. Donc s'il a un souci, le client va se retourner contre Laouari. Et Laouari va me dire, j'ai un problème avec client et moi, je vais passer le dossier à l'assurance, ce qui est tout à fait normal, parce que notre acheteur, c'est Laouari. On doit pouvoir, nous, peut-être avec nos différents réseaux, essayer de savoir par qui est passée la voiture. On va rappeler ce monsieur de Mondial Auto et on va lui demander de nous envoyer une lettre recommandée, on va suivre ça. S'il y a une mise en cause en responsabilité, il faut passer par les assurances. Voilà, okay. Vous mettez en rapport avec notre agence. Allez, ça marche. Mais il faut faire... Alors, si jamais monsieur Laouari Benouada de Mondial Auto ne veut pas vous envoyer de lettre recommandée pour des raisons qui lui appartiendraient, je me permets de vous rappeler qu'on essaie de trouver. Je sais pas, madame. D'ailleurs, vous savez quoi, on va l'appeler ensemble. Restez avec nous. Je vois pas la raison. Je sais pas. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Si vous restez avec moi une minute, madame, on l'appelle ensemble, comme ça c'est réglé. Et ça serait génial, d'accord? Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. Sur RTL. Décollage immédiat. Avec Stéphane Bern. À la bonne heure, je reçois Manu Payet et Jonathan Cohen pour parler de leur film Budapest au cinéma le 27 juin. Là, t'es en train de me dire, on va monter une boîte qui organise des enterrements de vie de garçons en Hongrie. Oui. Parce qu'on n'est pas rentré chez Castel. Exactement. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. On en saura plus tout à l'heure à 11h avec Jonathan Cohen et Manu Payet. Mercedes-Benz. Alors, tu le veux où ce tatouage? Sur l'épaule. Pas de problème, Cécile, dans un cœur sur l'épaule. C'est qui cette Cécile? Ma copine. Ça fait combien de temps, vous deux? On s'est rencontrés hier soir en boîte. Ok. L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez toutes nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. Je suis la super remise de chez Castorama et avec mes copines du rayon carrelage, on a une super nouvelle à vous annoncer. Pas vrai les copines? Oui! Ce week-end et ce week-end seulement, Castorama vous offre 15% de remise sur tout le carrelage mural et la mosaïque. Oui, moins 15% sur tout le carrelage mural et la mosaïque. Mais c'est seulement ce week-end. Alors foncez au rayon carrelage de votre magasin Castorama. Castorama, ensemble on peut tout faire. Hors commande en cours. Remise valable du 15 au 17 juin, voire conditions en magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Allô patron ? Parle plus bas, alors. Sur Little Voyage, pour 8 jours 7 nuits, il y a soit un séjour en hôtel 4 étoiles en Sicile, soit un circuit en Italie. Votre femme sera ravie. Je pars seul, mais pas un mot, hein. Omerta totale, hein, compris ? Ah si, ah, mais je suis mal. LidlVoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour 8 jours 7 nuits tout inclus en hôtel 4 étoiles à partir de 599€ par personne. Circuit 8 jours 7 nuits en pension complète selon programme à partir de 1049€ par personne. Offre valable du 12 au 18 juin sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-Voyage.fr. À la ménopause, je suis prête à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Avec Ménophytea Rétention d'eau, j'ai vu le résultat. La formule experte de Ménophytea contient des actifs végétaux tels que le frêne et l'hibiscus qui améliorent les fonctions d'élimination de l'eau de l'organisme. Essayez, vous comprendrez. À la ménopause, Ménophytea s'impose. Ménophytea est un complément alimentaire disponible en pharmacie et parapharmacie. Pour votre santé, bougez plus. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900€ avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'y ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900€. C'est ça, 8 900€. Sous condition de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, rappelons ce monsieur de Mondial Auto qui sera ravi d'ailleurs, je pense, de notre appel, puisque maintenant il est clairement établi qu'il a vraiment acheté cette voiture avec 100 000 km et pour sortir son client de là, il lui suffit de faire une lettre commandée. Alors j'espère qu'il va nous rappeler. Nous avons aussi la dame de Tabuta Méditerranée qui est là, qui attend une lettre commandée de sa part de manière à pouvoir activer son assurance. On lui laisse un message si jamais il ne répond pas. Bienvenue sur la messagerie vocale du 07 35 52. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Après avoir laissé votre message, vous pouvez le modifier en tapant dièse. Oui, bonjour Monsieur Benouada. De nouveau Julien Courbet sur l'antenne d'RTL. Je suis en ligne avec Tabuta Méditerranée à qui vous avez acheté cette voiture. Il apparaît que le compteur serait tombé avant votre achat et avant d'être passé chez Tabuta. Nos amis de chez Tabuta nous disent la chose suivante. Vous envoyez une lettre commandée en disant « Voilà, j'ai vendu un véhicule que j'ai acheté chez vous. Apparemment, il y a un gros problème de compteur. Merci d'activer votre assurance de manière à ce que mon client puisse être remboursé des 5 000 € qu'il a versés ou 4 300 € qu'il a versés. Comme ça, tout rentre dans l'ordre et tout le monde est content. Donc, si vous pouvez envoyer cette lettre commandée ou prendre contact avec Tabuta, ils vous attendent pour que le problème soit réglé. Tout le monde sortira grandi de cette histoire. Merci beaucoup. Bernard ? Monsieur, n'oubliez pas, c'est Madame Bouet qui connaît bien ce dossier à Vitrolles. Madame Bouet, donc on laisse le numéro, enfin oui. Voilà, on raccroche et on dit merci à Madame Bouet. On se tient au courant, Madame Bouet. Vous me dites, je me permettrai de vous rappeler semaine prochaine pour savoir si vous avez reçu le recommandé ou pas, d'accord ? Pas de souci. Merci beaucoup. Un dernier mot, mon cher JB. Je vois là qu'il y a eu un autre propriétaire sur l'affiche. C'est celui qui serait, d'après vous, entre l'ambulance et la vente aux enchères ? C'est fort possible, oui. C'est fort possible que ce monsieur ait laissé le véhicule aux ventes aux enchères. Nous l'appelons tout de suite. Nous avons peut-être le nom de la personne. Ah non, c'est pas ça ? Alors, le souci, c'est que ce monsieur a fermé. C'était un mandataire et il a fermé le 18 mai. Ouais, ok. Et c'était un coutumier du fait. Alors, il a fermé 3 établissements en l'espace de 3 ans. On va lui lancer un appel. Attention, il n'a rien fait au moment où nous parlons. Nous lui demandons juste une explication, puisqu'apparemment, il serait entre l'ambulance et la vente aux enchères, avec une société qui a fermé. Ça serait déjà la 3e société qui ferme. Ça serait Ramzi Farjaoui. Exactement. Ramzi Farjaoui, si vous nous écoutez, merci d'avoir la gentillesse de nous rappeler au 3210 pour nous expliquer à combien vous avez eu cette voiture de l'ambulance et à combien vous l'avez laissée à la vente aux enchères. Vous étiez propriétaire de Autocar. Vous étiez à Toulon, rue Léon Reboul, Ramzi Farjaoui. Alors, une petite règle d'or de bon sens avec vous, maître de Caumont. La règle d'or sur RTL. On n'est pas là, on est là juste pour dire ce qui se passe dans nos bureaux. Et dans nos bureaux, des fiches comme celle-ci, de gens qui achètent à des revendeurs, etc., qui passent des annonces sur le bon coin, tout ça, on en a des centaines. Voilà, juste prévenir que quand on rentre, par expérience, 20 ans d'émission, 20 ans sans aucun doute, et vous, je ne sais combien d'années de barreaux à vous occuper de voiture, quand on rentre dans une concession Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Hyundai, ce que vous voulez, qu'on achète une voiture d'occasion, ça n'arrive pas à ça. Parce que si ça arrive, c'est immédiatement réglé. Et qu'il y a des apprentis vendeurs qui font comme ça des petits rachats de stock, etc. Et on en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Voilà. Bah, Julien, vous avez tout dit. On dit souvent dans cette émission que quand on achète à un professionnel plutôt qu'à un particulier, on paye sans doute plus cher, mais on bénéficie de garanties beaucoup plus importantes, puisque on l'a redit tout à l'heure, le professionnel est censé tout savoir de la voiture qu'il vous vend. Il y a professionnel et professionnel. La notion nouvelle sur RTL par rapport à ce qu'on disait il y a 10 ans, c'est que maintenant on va mettre deux niveaux de professionnels. Vous avez tout à fait raison. Il y a effectivement les professionnels qui sont censés savoir, mais qui n'ont pas forcément, peut-être, ni la compétence, ni la surface. Déjà, permettez-moi de mettre une petite parenthèse. Déjà, celui qui a un garage physique. Là, c'est une boîte postale. Voilà, donc, exactement. S'il n'y a pas, quand vous avez quelqu'un qui a une vitrine avec 15 voitures et qu'il est là depuis 6 ans et vous passez tous les jours, c'est à lui que vous allez. Mais quand il n'y a rien, que ça se passe que par annonce. La sagesse populaire, Julien, elle était antérieure à l'invention de la voiture, puisqu'on disait pignon sur rue, ce qui veut bien dire que vous avez un établissement physique, vous avez un commerce, une vitrine, on sait où vous trouvez, et vous avez mille fois raison, Julien, quand vous vous adressez à un réseau, à une marque qui tient à son image de marque, clairement, ce genre de choses, d'abord, n'arrivent pratiquement jamais, et si elles arrivent, elles sont réglées très facilement, précisément parce que le réseau tient à son image. Les 500 euros de moins que vous proposent ces personnes, c'est 3000 de plus à l'arrivée. C'est comme ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Nous allons commencer la farandole des cas à suivre, je suppose, Charlotte, ou nous avons d'autres choses à faire? On avait teasé un cas qu'on devait lancer absolument. C'est celui de Saïd. Il a fait changer 10 de ses fenêtres, mais le résultat n'est pas terrible. Maître Fellono, je vais vous chanter maintenant la chanson la plus glamour vous concernant. C'est celle d'Inexcess qui dit « J'ai besoin de toi ce soir, il y a quelque chose en toi qui me fait transpirer ». C'est ce qu'il dit dans la chanson. Alors, qu'est-ce qui le fait transpirer? Pouvez-vous nous en dire plus? Aucune idée. C'est quand même incroyable. Va te laver, écoute, et tu reviens me voir. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's so. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. Something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. What do you think?

400 000, hein, 450 400. 000. Ah oui, pardon, 400 000 kilomètres. Là, c'est l'affaire du siècle. 400 000 kilomètres au compteur qu'il l'a vendu non pas à Tabutin Méditerranée, mais qu'il l'a vendu à un autre particulier. Nous aurons demain le nom de ce particulier, puisque Hervé, il vous a dit, j'ai besoin de retrouver les papiers. Voilà, il pensait les avoir dans sa sacoche, il ne les avait pas, il me rappelle demain. Il est fort probable que c'est à ce moment-là que le compteur soit passé de 400 000 à 100 000. La voiture a ensuite été vendue par ce particulier inconnu à ce jour à Tabutin Méditerranée, qui elle-même l'a revendue à M. Lawori Benouada Mondial Auto, qui malheureusement, parce que la loi le dit, est responsable, mais ce n'est pas lui qui a fait tomber ce compteur. Maintenant, on peut sortir de cette histoire avec une simple lettre recommandée. Lawori est là, Julien, il peut vous écouter et il peut même parler. Alors, M. Lawori, je vous ai laissé un message tout à l'heure, donc maintenant les choses sont claires, on voit à peu près quand le compteur a été trafiqué, vous ne le saviez pas, mais vous avez une responsabilité vis-à-vis de votre vendeur, il vous suffit de faire une lettre recommandée de votre acheteur, une lettre recommandée à Tabutin qui fera jouer son assurance. Est-ce que ça vous convient ? C'est très bien. Bon, alors, vous la faites, si vous le pouvez, dès aujourd'hui, en expliquant que vous avez vendu une voiture que vous aviez achetée à Tabutin avec un kilométrage qui n'est pas le bon et qu'aujourd'hui, ils doivent faire jouer leur assurance. Comme ça, tout le monde s'en sort la tête haute. Merci beaucoup. On s'appelle semaine prochaine avec tous les intervenants pour voir si la machine de l'assurance était mise en route. Merci, monsieur, de nous avoir parlé. Merci, Bernard. Bon, quel dossier de voiture. Vous vous rendez compte, faites attention. Encore une fois, ne vous dites pas « je vais gratter 500 euros » même si c'est très important dans votre budget. À l'arrivée, vous allez payer trois fois plus. Il vaut mieux prendre une voiture peut-être moins chère, moins bien, mais au moins, vous n'aurez pas de soucis en rentrant dans une vraie concession. Alors moi, ce que je regrette quand même dans cette affaire, c'est que cette situation, elle est quand même au détriment d'un jeune homme qui lui a déboursé 4300 euros pour une voiture qui ne roule pas et que finalement, ben très bien, les professionnels se disent on est assuré, etc. Mais c'est bien long parce que ça remonte à un an l'achat. Allez, Saïd est en ligne avec nous, on va vite l'écouter. Saïd, vous m'entendez ? Julien. Allez Saïd, réexpliquez-nous, bonjour. Voici votre nouveau cas sur l'antenne d'RTL, on y va. Expliquez-nous Saïd. Oui, alors voilà, j'ai acheté j'ai fait faire des fenêtres pour 7200 euros et j'ai changé 10 fenêtres. Et le problème, c'est que le monsieur est de mauvaise foi, donc je suis allé chez lui trois fois en lui disant qu'il y avait des problèmes pour les fenêtres qui étaient changées. J'ai envoyé une lettre recommandée accusée de réception. Le problème, c'est que lui n'a pas répondu à la lettre recommandée accusée de réception. Et donc, moi, je me retrouve avec des fenêtres qui sont mal montées, qui a des fuites de partout. Alors voilà, donc je fais appel à vous pour pouvoir essayer de régler ce problème. Vraiment, deux mots, parce qu'on est un petit peu en retard, Maître Filono. Oui. Qu'est-ce qu'il reproche aux fenêtres ? Elles ne sont pas étanches, il y en a une où le montant est cassé, donc il faut absolument faire reprendre les malfaçons. C'est seulement l'entrepreneur qui doit intervenir, puisqu'il n'y aura pas d'assurance possible, étant donné que les travaux n'ont pas été réceptionnés sans réserve, alors qu'il a payé quand même 100% de la facture. Ce monsieur pourrait revenir. C'est notre mission aujourd'hui. Alors, nous demandons à Bernard, c'est vous qui êtes sur les fenêtres ? Oui, j'y suis, Julien. Parfait. Vous appelez dès maintenant ce monsieur, vous commencez la conversation, lui expliquez pendant ce temps la pause et on le reprend directement sur l'antenne après. Comme ça, on gagne du temps dans le rapide au cas à 10h46 sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas, vous voyez que nous essayons d'aller très loin dans les enquêtes. Nous pouvons vous aider. Faites le 3210 ou le Facebook. La page, ça peut vous arriver. C'est ça, le 9h30, 11h d'RTL chaque matin. I know you come along. Carrefour. C'est le mois des estivales chez Carrefour avec 70% d'économies sur plein de produits. Comme par exemple sur le champagne Monopole millésimé Heidsieck. Et en plus, il est garanti meilleure promo. Génial, non ? Résultat des courses, je suis la fille la plus pétillante de tout le quartier. Jusqu'au 25 juin, c'est le mois des estivales dans vos hypermarchés Carrefour et aussi dans leur drive. Avec jusqu'à 70% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur des produits de grande marque. Carrefour. Gold Top, brut, 75 centilitres. Nous vous remboursons automatiquement la différence si une promo est meilleure ailleurs au même moment. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et si vous viviez plus intensément les matchs des Bleus ? Moi, avec Orange, j'ai la Livebox. On va pouvoir suivre les matchs des Bleus comme jamais. Pareil. Mais moi, en plus, avec Orange, dans mon studio, les matchs sont en haute définition. Canapé ergonomique ? Pareil. Frigo dans les accoudoirs ? Pareil. Ouais, mais moi, je veux juste les regarder avec toi. Pareil. Ah. Ne ratez rien des matchs des Bleus avec la Livebox Zen à seulement 19,99€ par mois pendant 12 mois, puis 36,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Avec engagement 12 mois et selon éligibilité. 17€ par mois remboursé avec changement d'opérateur après le 17 mars. Détails sur odr.orange.fr. Mercedes-Benz. Bon, bah, je vais y aller. Ça t'a plu ? Oui, c'était bien. Ça te dirait qu'on se revoit ? Pour un verre ? Un dîner ? Pour se marier ? Hein ? Arrête, t'es bête. Non, je suis très sérieux. Pourquoi attendre? L'engagement ne vous fera plus peur. Avec Mercedes-Benz Flex, l'allocation longue durée devient totalement flexible. Choisissez une Mercedes en juin 2018 auprès de Mercedes-Benz Financement et vous pourrez en changer dès 2019. Découvrez nos offres chez votre distributeur lors des rendez-vous décisifs les 16 et 17 juin. Conditions sur mercedes-benz.fr. Ouverture selon autorisation préfectorale. Question Jules 115. Qu'est-ce qui rend la démarche d'un homme élégante? Réponse. Pour l'homme d'aujourd'hui, l'élégance est une démarche en soi. Même quand il est assis dans le canapé, les pieds sur la table. Venez découvrir votre type d'élégance chez Jules. Et en ce moment, 50% sur le deuxième article pour l'achat simultané de deux chemises, polo ou t-shirt. Remise déduite sur le moins cher des deux, hors premier prix. Voir conditions en magasin et sur jules.com. Pour EOVI MCD Mutuel, je ne suis pas un senior, je suis Didier. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. C'est le moment que j'ai choisi pour partir m'installer dans ma maison de campagne. C'est pour cela que Didier a choisi EOVI MCD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui lui offre le choix entre 20 niveaux de garantie et lui fait bénéficier d'un réseau de 230 agences partout en France. EOVI MCD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. Une question à Didier Tabary, président de Philorga, le premier laboratoire français de médecine esthétique. Une crème anti-âge peut-elle être aussi concentrée qu'une injection en cabinet médical? Eh bien, chez Philorga, nous avons réussi pour la première fois à concentrer l'équivalent d'une méso-injection dans une crème anti-âge révolutionnaire. Et ça marche? Oui, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec NCTF Reverse, nous traitons rides, éclats et fermeté avec une efficacité visible dès 7 jours. NCTF Reverse de Philorga, la crème anti-âge concentrée comme une méso-injection. Efficace dès 7 jours. Détails de l'étude sur philorga.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes sur le cas de Saïd, Charlotte. Il a fait changer 10 de ses fenêtres, mais le résultat n'est pas terrible. Il y a des problèmes d'étanchéité et un châssis cassé et l'entreprise tarde à venir reprendre les malfaçons. Vous avez, Bernard, commencé à parler. Oui, je lui ai parlé donc avec une personne charmante de Micapen. Elle m'a dit que ni le commercial ni le gérant étaient là, ils sont en déplacement. Bon. Donc elle ne peut pas faire grand-chose, surtout qu'elle est nouvelle, elle ne connaît pas le dossier. Donc nous allons attendre... portables. Hein. Bien, alors on va essayer. Vous allez appeler sur le portable monsieur Ekinsi, qui est je crois le gérant, pour commencer à avancer. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Quelque chose à dire là-dessus? Oui, ce qui m'ennuie dans ce dossier, c'est que la mise en demeure, c'est un recommandé avec accusé de réception qui a été envoyé. Et en fait, ils ont été avisés et ils ne sont pas venus chercher le pli à la poste. Donc ce sont des gens qui en fait se cachent et ont peur de leur responsabilité. Et nous avons dans le dossier, pour corroborer les dires de notre auditeur, un procès verbal d'un constat d'huissier, photo à l'appui. Effectivement, il faut revenir faire les choses. Laissons Bernard avancer, il va nous trouver peut-être un interlocuteur, sinon on réenchaîne lundi là-dessus, ne vous inquiétez pas. Écoutons maintenant un disque fantastique, peut-être l'un des plus beaux, hein, Maître de Caumont, des Rolling Stones. Alors c'est une chanson qui a été, j'avais lu un petit peu, composée dans des circonstances un peu particulières. En fait, il était chez son généraliste, et son généraliste avait demandé « Mais de quoi souffrez-vous ?» Il lui avait répondu « D'une ». Il avait une angine, donc c'est comme ça que c'est. When will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no we'll be right back. Angie et les Rolling Stones sur RTL. Donc nous remettons à lundi, je pense, l'histoire des fenêtres, qu'il ne s'inquiète pas, ou duplex, ou appel téléphonique, Bernard. Oui, j'ai laissé un message au commercial, j'espère qu'il va me rappeler, sinon on en verra Hervé en duplex. Ça va pas bien, Bernard ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous riez et pleurez ? Ah oui, d'accord, ok. Alors, je rappelle que l'épouse de Bernard Sabat lui a offert quelques cours d'acteur studio pour lui faire plaisir, donc il prend ça très à cœur et maintenant nous joue des personnages qui se mettent à pleurer ou à rire dans n'importe quelle circonstance. Rapidement, le point info. Oui. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Sabine, quel feuilleton, Sabine ? Eh oui, on a parlé d'un véhicule vendu en 2016 avec 450 000 km, 500 euros. En 2017, il est vendu avec 150 000 km, 4 000 300 euros. Bon, on fait vite, on a la solution. Le vendeur du véhicule Mondial Auto qui n'a pas fait tomber le compteur, je le dis bien, qui n'a pas fait tomber le compteur, va envoyer une lettre recommandée à Tabutin qui va faire jouer son assurance. Cas numéro 2, donc c'est celui, si je ne m'abuse, de Saïd. 7200 euros pour changer 10 de ses fenêtres, mais le résultat n'est pas à la hauteur. Problème d'étanchéité et un châssis cassé. Lundi ou duplex ou appel téléphonique. Avec plaisir. Ça marche. Bon, alors écoutez, mesdames et messieurs, là je voulais dire deux choses. Une première chose, faire un petit coucou à mes amis de C8 que je vais quitter ce soir de manière définitive. Donc ça sera ma dernière émission ce soir et les remercier pour ces 4 années fantastiques auprès notamment de Cyril Hanouna. Et vraiment, je les remercie, ça a été 4 années fantastiques. Vous dire également que là, nous entrons dans une ère où RTL va faire encore plus partie de votre vie puisqu'RTL sera la radio du mondial. Un super dispositif. C'est la radio numéro 1 qu'il faut écouter dans ces cas-là. Vous aurez les meilleurs intervenants, vous aurez Big Chen, Télisa Razou et beaucoup d'autres. Et puis nous souhaitons bien sûr bonne chance aux Bleus. Chaque jour, grâce à un hasard, nous ferons un petit point rapide avec des pronostics, à mon avis, qui tomberont régulièrement à côté de la plaque. Mais nous allons quand même aller jusqu'au bout de cette démarche et nous aurons un hymne, l'hymne, notre hymne du mondial à nous. Hein. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Hey mes amis, je veux qu'il y ait un vent de Russie sur la radio. C'est magnifique ça, hein. Vous ne connaissez pas ça, maître Phénomène. C'est bien dommage. Bon, alors, on va couper. On va se retrouver dans quelques instants. Appelez-nous, là, cet après-midi, si vous avez un problème, quel qu'il soit, au 3210 ou sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Alors, il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité, bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Ok. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois. Loyer après apport de 1450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau Transit Courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bremany Lease, voir Ford.fr. Bouygues Télécom. Regarde cette sublime photo des filles et moi. Waouh, vous êtes sublime. Tu t'es offert un photographe professionnel, avoue-le. Non, je me suis offert l'incroyable iPhone X à un prix incroyable lui aussi. Ah bah tu sais faire ton petit effet toi, hein. Et oui, en ce moment, chez Bouygues Télécom, pour l'achat d'un iPhone X avec un forfait sensation avec avantage smartphone, profitez de 200 euros offerts pour la reprise de votre ancien téléphone et de 180 euros supplémentaires remboursés sur demande. Rendez-vous en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition pour la reprise d'un mobile d'une valeur minimum de 100 euros, engagement 24 mois et conservation de numéro. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Bon, ben je me prends une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Bon, ben je me prends une petite glace, moi. En ce moment chez Intermarché, pour l'achat d'une boîte de 6 glaces Magnum amande, la deuxième est à moins 70%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 juin. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Food veut dire nourriture. Sœur, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Télé 7 jours, efficace et délicieusement tordu. Le Parisien, la tension atteint des sommets et on en sort littéralement essoré. Sœur de Bernard Minier, un livre XO. XO, lire pour le plaisir. Qui habite ? Le bonheur vous va si bien. Et le bonheur ? C'est d'acheter de plus en plus et de dépenser de moins en moins. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour 2 articles, profitez de moins 20%. 3 articles, moins 30. 4 articles, moins 40. Et 5 articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 13 au 26 juin, sur articles signalés. Conditions, magasin et kiabi.com. La reprise de votre programme, ce n'est pas pour tout de suite. Pour vous éviter d'attendre, on aimerait bien accélérer le temps. Malheureusement, on n'a pas encore ce pouvoir. À la radio en tout cas. En revanche, chez Nissan, pendant les jours pressés, si vous commandez maintenant votre Nissan Qashqai suréquipé avec entretien et assistance inclus, vous repartirez avec sans attendre. Et en plus, cette semaine, Nissan vous offre les 3 premiers loyers des crossovers Qashqai, Juke et X-Trail. Nissan, innovez autrement. Valable dans LLD 49 mois avec apport sur véhicule disponible avec délai de livraison, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Rendez-vous le 22 juin à Bisseuil, dans la Marne, où je viendrai vous présenter, c'est les dernières du One Man Show, Bisseuil, dans la Marne, le 22 juin. Je serai à Marseille pour un spectacle gratuit au Palais Longchamp le 24 juin. Nous allons retrouver dans quelques instants Stéphane Bern avec ses invités, dire une nouvelle fois, allez les Bleus, permettez-moi d'être un peu lourd, mais il le faut, on la veut. Allez. Hop là, hop là, et tout le monde va la mettre au fond. C'est fantastique. C'est quoi ça? Pardon, ça va pas. Tout le monde va le mettre au fond, le but. Oui. Ah, bon, non, mais franchement. On a eu peur. Non, mais vous savez, un jour, il y aura la police qui vous attendra tous avec des menottes à la sortie pour votre esprit mal placé. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et bravo aux équipes d'Alain Hazard. Vous l'avez vu encore aujourd'hui, beaucoup de boulot. Et ils ne le font pas que pendant l'émission, ils le font aussi après l'émission parce que c'est un contrat moral que nous avons avec vous. Réglez vos problèmes, essayez de vous sortir de la panade quand vous y êtes. Alors à demain mes amis, passez une très très belle journée et continuez d'écouter RTL. À tout à l'heure. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 11h.